maternité. Maternité. Maternité de Geneviève Brisac. Épisode 3. Belle-mère. Elle s'est assise au bord du lit de la jeune accouchée. Avant, elle était simplement connue comme la mère de mon compagnon ou la mère de mon mari. Also known as ma belle-mère. Certes, elle était la rivale naturelle, celle dont on note les remarques en souriant un peu, en s'agaçant, en haussant les épaules. So what? Et alors? Ah bon? Vous faites comme ça? Des échanges affleuraient plus ou moins mouchetés. Vous l'avez bien mal élevé, votre fils. Avant, ça n'avait pas d'importance de l'aimer ou pas. Avant, cela lui était un peu égal que la compagne ou la femme de son fils soit une gourde, ou une peste, ou même une fille charmante. Avant, cela lui était un peu indifférent que le compagnon ou le mari de sa fille soit un charmant idiot, un génie, un bon type. Elle était une personne. Pas ma belle-mère. Avant la naissance du petit enfant, la belle-mère et la belle-fille peuvent même rêver de relations fraternelles, d'une vraie amitié construite sur le respect mutuel, la confiance, parfois l'admiration. Belle-mère. Mother-in-law, in English. Une neutralité possible. Avant la naissance du bébé, la belle-mère et son gendre, puisque cette fois il y a ce mot sans équivalent, gendre, peuvent nourrir des sentiments complices ou agacés, et même variables. La reine-mère va encore venir déjeuner ? Dit-il, souriant, patient, complaisant, fatigué. La belle-mère et sa bru ne savent pas les forces immémoriales qui sont en route, les maléfices qui les guettent, les pulsions profondes. Maintenant, l'enfant est né. La belle-fille, la compagne de mon fils, est devenue la porteuse de tous les espoirs de la chance. Notre sang, notre nom vont perdurer à travers elle. Elle est désormais un maillon de la chaîne. La belle-mère s'est assise au pied du lit de la jeune accouchée. Il faut bien te reposer, dit-elle de toute sa nouvelle autorité à la jeune mère. Et il faut bien manger. La belle-mère a renoué avec la tradition la plus archaïque. Ainsi va la vie. Sa belle-fille va la détester. Marâtre. Elle agite ses longs bras, elle a la bouche ouverte et des cheveux hérissés comme dans un tableau de Munch. Elle crie. La marâtre ne sait rien de la douceur. Marâtre, c'est le nom que l'on donne à la deuxième épouse d'un homme veuf avec enfant. Marâtre est amère ce que verdâtre est avert. Le suffixe est explicite. Aucun mot plaisant en âtre. La marâtre est une mère caricaturée, un ersatz empoisonné. À l'image de la pomme que la marâtre de Blanche-Neige lui tend. Il va de soi qu'elle n'aime pas les enfants de la morte, ses fillâtres. Et ceci le lui rende bien. Cendrillon, prépare les lits de mesdemoiselles mes filles, hurle la marâtre. Elle ressemble à une ogresse maigre. Que fait-elle avec le père? Nous devinons qu'il partage la chambre parentale. Elle a pris la place de la mère, son côté du lit. Les contes n'en parlent pas parce que la présence de la marâtre rend le père très lointain, très transparent. Elle l'a sûrement ensorcelé, car nous remarquons qu'il ne prend guère la défense de ses enfants, tandis que la marâtre favorise ignoblement les siens. À moins que ce ne soit le contraire. La marâtre arrive dans le foyer détruit par le deuil, elle aimerait être à la hauteur, mais elle est précédée par son nom épouvantable. Les enfants de la morte la voient arriver avec hostilité et haine. Elle n'a d'autre ressource que d'imposer son autorité. Marâtre, elle doit pourtant amour et protection. Elle en fait les gestes, mais chargée de terribles intentions. Elle brosse les cheveux des filles, mais les emmêle et les tire. Elle coud des chemises qui collent à la peau des garçons et la brûle. Elle cuisine des plats empoisonnés. Elle met tous les enfants de la morte au service des siens. Ma fille, va à la fontaine chercher de l'eau. Elle compte faire en sorte qu'ils soient déshérités. On ne dit jamais une gentille marâtre. Une gentille belle-mère est un oxymore. Mais une gentille marâtre est impensable. Quant au parâtre, je n'en ai jamais entendu parler. Infanticide. Silence. Il y a l'homicide. On tue un homme ou une femme. Pas de mot particulier pour fémicide. C'est condamnable, mais cela n'appelle pas de commentaires particuliers. Il y a le parricide, mythologique et fondamental, dont l'archétype est Œdipe. Puni d'une double peine administrée par la justice des hommes et celle des dieux. Le matricide est peu usité. Rarement pratiqué ? À voir. Tu me fais mourir de chagrin, dit la mère. Mais personne ne la croit. Il y a le meurtre des aïeux. On en parle guère, petit meurtre banal par omission. Mais l'infanticide est le plus grand des crimes. Est-ce parce qu'il est moralement plus grave de s'en prendre aux faibles ? Pas que je sache. D'ailleurs, l'infanticide commis par un homme, qui tue en général femmes et enfants, une moyenne de 4 personnes faibles et vulnérables, avant de se rater d'un coup de fusil de chasse mal envoyé, est banal et renvoyé le plus souvent à une démence, une dépression, un coup de mou du sujet. Les jurys comprennent. En revanche, l'infanticide maternel, celui qui nous occupe ici, est l'affaire suprême. La mère infanticide est une bête sauvage. Les qualités naturelles d'une mère, amour, dévouement, oblativité, sur lesquelles la société compte fermement pour la continuation de l'espèce, la reconstitution de la force de travail d'une nation et pour la réserve de chair à canon, ne sont pas négociables. Une mère ne peut pas tuer son bébé. C'est un axiome. Donc, une assertion qui en cache une autre. Méfions-nous, une mère peut tuer son bébé. Elle peut souhaiter sa mort. Et alors, plus personne n'est en sécurité. Chacun de nous se projette dans le bébé qu'il fut, confiant et tranquille, agitant ses doigts de pied potelés. Et voilà-t-y pas que tu es tombé sur une mère infanticide. Peut-on imaginer pire situation ? Les jurés populaires et les juges d'assises sont eux aussi d'anciens bébés. Par conséquent, ils sont impitoyables pour les mères qui tuent leurs petits. C'était « Maternité » de Geneviève Brisac, épisode 3. Avec Mélanie Bestel, Marie Cariès, Aurélia Petit, Florent Houlier. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur et Lydwin Caron. Assistante à la réalisation, Clémence Grosse. Réalisation, Laurence Courtois.